Jean Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Célébration ce lundi de la journée nationale du patriotisme et commémoration de la mort du président Pierre Nkurunziza. Vous entendrez les réactions des présidents de partis Iprona et Radebo. Le strict respect des normes de passation des marchés publics et l'application des meilleures pratiques de bonne gouvernance sont quelques-unes des modifications à opérer pour le bon fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. C'est ce qu'a décidé le Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine écoulée. Et puis des consommateurs des produits de la Baroudi grognent qu'ils achètent des boissons à des prix élevés. Cédric Nibichak assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Célébration au Burundi de la journée nationale du patriotisme qui coïncide avec la commémoration de la mort du président Pierre Nkurunziza. Les festivités de la journée nationale du patriotisme, 5e édition, ont eu lieu ce lundi à Gitega et elles étaient présidées par le premier ministre burundais. Cette journée, normalement célébrée le 8 juin de chaque année depuis 5 ans, devrait avoir lieu ce dimanche, mais elle a été reportée pour ce lundi, comme nous le rapporte Gérard Nibigira. Les cérémonies de la journée nationale du patriotisme se sont déroulées ce lundi au site qui abrite la tombe de fait président Pierre Nkurunziza. Ont participé à ces festivités les grandes personnalités du pays, à la tête le premier ministre qui avait représenté le chef de l'État dignement empêché. Dans sa prière du jour, le révérend pasteur Olivier Irakoze a remercié les autorités du pays pour avoir mis Dieu en avant dans toutes les activités étatique. Il a ainsi demandé aux mêmes autorités de ce pays de concrétiser cette décision de mettre Dieu en avant dans toutes les activités étatiques en respectant tous ses commandements et en exerçant ce qui plaît à Dieu et surtout de préparer une meilleure fin dans leur vie sur terre. Après cette prière, Ndenzako Karegwa, conseiller à la présidence de la République, a présenté la biographie de fait président Pierre Nkurunziza. Il a ensuite suivi un dépôt de gerbes de fleurs à la tombe de fait président Pierre Nkurunziza, d'abord par le premier ministre Gervin Ndirakobucha, ensuite le représentant du corps diplomatique et consulaire, l'épouse de fait président Pierre Nkurunziza et enfin le parti présidentiel CNDD-FDD. Pour clore, les participants ont écouté un extrait de l'un des discours de fait président Pierre Nkurunziza où il appelait les Burundais à s'atteler au travail pour accéder à une vraie indépendance. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Au cours de ce journal, nous revenons sur le discours du président Pierre Nkurunziza qui prônait l'unité nationale tout en appelant les Burundais à passer de la théorie vers la pratique. Dans son discours de 2019 à l'occasion de la journée de l'unité nationale célébrée le 5 février, Pierre Nkurunziza a indiqué que l'unité nationale est un bon chemin pour accéder au développement durable. Suivez cet extrait du discours du président Pierre Nkurunziza dans la traduction française de Yannick Remezo. Ubumwe bw'abarundi bwamye burangwa nuko abarundi bose bahuzwa no kwitwa abarundi. Dutegere neza rero ko ubumwe. L'unité nationale au Burundi a toujours été caractérisée par le simple fait que tous les Burundais sont unis par leur nationalité. Comprenons alors que l'unité est là pour nous mener vers le développement. Il n'y a aucun doute, quand les gens sont convaincus qu'ils sont frères et sœurs, ils se mettent d'accord sur différents sujets et partagent tout. Que l'unité nationale ne soit pas juste une chanson. Il faut le démontrer dans la pratique, dans nos décisions, dans nos faits et gestes, bref, dans la vie de tous les jours. Que l'unité commence dans nos ménages, nos familles, jusque dans nos milieux de travail. Nous aimerions que l'unité nationale ne soit qu'un discours de dirigeants, mais que ce soit un sujet traité dans nos foyers, dans les écoles, dans les églises, dans les émissions produites par les médias, dans les discussions au sein des associations, des coopératives, des caisses d'épargne et autres. Rappelons-nous à chaque fois que le Burundi est un chantier battu à base de l'unité, héritage de nos ancêtres, et que nous devons le sauvegarder pour la transmettre à nos enfants et petits-enfants. Rappelle-nous à chaque fois que nous devons aimer, faire aimer et développer ce beau pays. Et transmettons ces valeurs à nos enfants pour que ça devienne une transmission de génération en génération. Et certains habitants de la capitale économique Bujumbura apprécient positivement le passage de feu président Pierre Nkurunziza en ce qui est du patriotisme. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro disent que ce président a contribué dans tous les domaines. Par exemple, ces citadins indiquent que Nkurunziza a pris au cours de son régime des mesures visant à faire face à la flambée des prix en supprimant dans certaines périodes des taxes sur les produits importés de première nécessité. Sans doute, je me souviens de son Excellence Pierre Nkurunziza et qu'il y a eu le cas où le flambée des prix des produits de première nécessité. À ce moment, il a catégoriquement refusé cette flambée et a opté pour l'abandon des impôts et taxes durant une période de 6 mois, ce qui montre qu'il était vraiment patriote. Deuxièmement, il a essayé de construire beaucoup d'infrastructures car, jadis, de nombreux bureaux de l'État était loué, mais avec le président Nkurunziza, tous ont positivement changé l'image. Troisièmement, il était un homme intègre, brave. Même les Blancs n'ont pas pu lui convaincre de faire ce qu'il ne voulait pas. Là où il est, que Dieu le bénisse. Prions en travaillant et travaillons en priant. Tel est l'un des souvenirs du fait président Pierre Nkurunziza. Nous devrions prendre ce mot comme le héritage et des frios se conformer à ce dernier. Une autre chose, quand j'étais encore petit, j'ai entendu que les mamans mettent au monde gratuitement, voire même gratuité dans l'éducation. Le président Nkurunziza, d'autant qu'il a dirigé le Burundi, il a fait beaucoup de choses dont nous nous rappelons, que ce soit ses œuvres qu'on voit qui développent le pays. Ce que je garde de lui, c'est qu'il était vraiment patriotique. Il aimait beaucoup le sport. Et puis, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a énormément contribué à l'édification du pays. Le président du parti Radebout demande aux Burundais de suivre l'héritage laissé par le président Nkurunziza en ce qui est de l'amour de la patrie. Selon Jean de Dieu Mutabazi, président de ce parti, même si Nkurunziza a rencontré des difficultés au cours de son régime, il est perçu comme une personne soucieuse d'éviter la guerre et trouve qu'il a énormément contribué à la réconciliation des Burundais. Le président Nkurunziza, pour nous, nous voyons que c'était un homme qui savait mener une guerre quand c'était nécessaire, mais qui était un homme de paix. Et surtout, on se souvient qu'il enseignait, il avait toujours pendant les séances de moralisation, il enseignait aux Burundais l'amour de la patrie. Parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas leur pays. Et cela pouvait se voir par les gens qui n'aiment pas les résolutions pacifiques des conflits, qui n'aiment pas faire des revendications politiques avec la corruption au niveau des barrages, notamment le barrage de Manda, avec la corruption au niveau du traçage ou de la construction des routes, etc. On voit que ce genre de corruption dénote un manque d'amour de la patrie de la part de certaines autorités. Mais également, on a remarqué qu'au niveau de la cohésion sociale, même si la majorité des Burundais étaient pris de la paix, même si la majorité des Burundais n'est plus ethniste ou raciste, on remarque qu'il y a encore quelques poches d'extrémistes Hutu et Tutsi par là. Et c'est pourquoi l'héritage du président Nkurunziza Pierre est toujours vivace et qu'il faut le continuer. Et pour le parti UPRONA, l'unité nationale reste menacée, notamment par le fait que le pays demeure dans la pénurie de certains produits de première nécessité, mais aussi par des messages de haine. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, appelle les dirigeants du pays à servir de modèle en ce qui concerne le patriotisme. Et il prenait d'abord l'amour entre le Burundais, l'unité. Et il enseignait les Burundis, l'historique du Burundi, de comment nos ancêtres ont pu donner naissance à la nation burundaise, de l'unité qui caractérisait les Burundais. Juste, il voulait que les Burundais transcendent effectivement les clivages ethniques, politiques, sociaux, mais plutôt aussi régionaux. du pays, parce que quand il y a la marvelisation économique, quand il y a la corruption, quand il y a l'intimidation, il voyait que les Burundais ont manqué une cohésion et l'essentiel qui devait nous caractériser. C'est la raison pour laquelle il s'est donné effectivement le temps de sensibiliser surtout la génération nouvelle et future pour qu'ils aient la conscience effectivement des mères Burundais. Alors quand aujourd'hui nous observons qu'il y a la pauvreté encore, qu'il y a ce genre d'intimidation parmi la population burundaise, qu'il y a le non-respect de la loi alors que ce sont des lois qui ont été élaborées par les Burundais, le Parlement, le Burundi, quand il y a encore la corruption et la marvelisation économique des biens publics, quand il y a encore le discours de haine parmi les Burundais, vous voyez que nous avons beaucoup à faire. On ne peut pas dire que l'héritage est là. Il faut toujours, c'est un processus. Il faut chaque fois qu'aujourd'hui, la date du 8, on ne va pas seulement pour mettre des fleurs, des gerbes de fleurs sur le tombe de Pierre Nkurunziza, mais plutôt de se rappeler de ce qu'il voulait, mais aussi ce qu'il voulait s'il a emboîté le poids du prince Louis Gwagasore, de Dada Emeke, de tous les héritiers. En tout cas, tout responsable et burundais, il doit prôner pour l'unité l'amour du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition. Je vous l'avais dit dans le titre, le strict respect des normes de passation des marchés publics et l'application de meilleures pratiques de bonne gouvernance sont quelques-unes des modifications à opérer pour le bon fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, comme l'a décidé le Conseil des ministres tenu mercredi de la semaine écoulée. Une commission dont les activités sont appréciées positivement depuis sa création en 2011. Suivez plutôt Jérôme Nionzima, secrétaire général du gouvernement burundais. Dans le but de se conformer à la constitution de la République et aux textes juridiques internationaux que le Burundi a ratifiés, une commission nationale indépendante des droits de l'homme a été mise en place. Depuis sa création en 2011 et jusqu'à ce jour, la commission a bien accompli sa mission et des résultats satisfaisants ont été enregistrés, tant sur le plan national qu'international. Néanmoins, il s'avère que celle-ci fait face à certains dysfonctionnements dus à un cadre juridique lacunaire. En vue de trouver une solution aux défis identifiés, des modifications sont proposées notamment. Premièrement, le strict respect des normes de passation des marchés publics. Deuxièmement, l'instauration d'un cadre normatif conçu dans le sens d'apporter une assistance à la CNDH en matière de gestion administrative et financière, et ce pour éviter des blocages administratifs et des abus de pouvoir éventuels. Troisièmement, le renforcement de l'éthique professionnelle des commissaires. Quatrièmement, l'application des meilleures pratiques de bonne gouvernance. Après analyse, le projet a été adopté, moyennant quelques corrections de fond comme de forme. Le même Conseil des ministres a analysé d'autres projets de loi relatifs à l'exploitation des minerais de type titane Andorra, du colombo tantalite à Kabarore et de l'or à Masaka, ainsi qu'un projet d'ordonnance ministérielle portant régime fiscal applicable au secteur des minerais. Jérôme Nionzima, secrétaire général de l'État, parle d'abord de la société Sonelac Mining Company Limited. La société Sonelac Mining Company Limited a manifesté l'intérêt pour l'exploitation du gisement de titane et minerais associés dans le permis Andorra 1. La société d'exploitation a soumis à l'État une étude prévoyant l'exploitation du minerai de titane en quantité estimée à 108 tonnes pendant la première phase. Le projet sera mis en œuvre en trois phases pour une durée de 15 ans. L'État du Burundi met à la disposition de la société d'exploitation le sol et le sous-sol pour le besoin du projet. La société ne dispose que du droit d'exploitation. Le partage de la production se fait sur les recettes issues de la vente de la production avec comme part de l'État 30% des recettes totales et 70% pour le compte de la société d'exploitation déduite du fonds d'amortissement. Après échange et débat, le projet a été adopté avec entre autres recommandations de préciser la colline effectivement concernée par l'exploitation. Projet de décret portant octroi d'un permis d'exploitation minière de la colombo-tantalite et de la castérite dans le périmètre de Kabarole, province de Kayanza, en faveur de la société Komebu S.A. Ce projet de décret est proposé à la suite d'une renégociation d'une nouvelle convention minière pour l'exploitation de la colombo-tantalite et de la castérite dans le périmètre de Kabarole, à la suite de la remise à l'État des sous-permettes d'Ondora et de Murehe par cette société. Projet de décret portant octroi d'un permis d'exploitation industriel d'or et de minerais associés dans le périmètre de Masaka en commune Butihinda de la province de Muyinga en faveur de la société de traitement des terres d'or au Burundi, Soteb SA. Ce projet de décret est proposé à la suite d'une renégociation et d'une nouvelle convention entre le gouvernement de la République du Burundi et la société Soteb SA consécutive à la cession de toutes les actions de la société African Mining Limited à la société Soteb SA. Projet d'ordonnance ministérielle conjointe portant régime fiscal applicable au secteur des mines et des carrières au Burundi et fixation de la part de l'État sur la valeur de la production minière, issue de l'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée. Ce projet d'ordonnance introduit la fiscalité pour toutes les activités innovées par le code minier ainsi que la notion de partage de la production entre l'État et la coopérative ou l'entreprise minière. À l'issue de l'analyse de ces trois projets en rapport avec l'exploitation minière, le Conseil des ministres a constaté que certaines dispositions du nouveau code minier n'ont pas été respectées dans l'élaboration de ces projets et a demandé qu'ils soient retravaillés pour la conformité avec ce dernier. Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État, est sur la page commerce des consommateurs des produits de la Praroudi grogne qu'ils achètent des boissons à des prix élevés. C'est en province Kayanza. Ils indiquent ainsi qu'une bouteille de Primus 72 centilitres s'achète à 5000 alors que le prix officiel est de 2500 francs burundais. Une bouteille d'Amstel Bright 65 centilitres souvent à un prix variant entre 7 et 8 000 francs burundais, au cas où le prix officiel fixé est de 5 000 francs burundais. L'administrateur de la commune Kayanza met en garde les consommateurs spéculateurs, Patrick Nsengiyumva. Dans la ville de Kayanza et ses environs, les consommateurs des boissons fabriquées par la Braroudi avec lesquelles nous nous sommes entretenus dénoncent les pratiques spéculatives de certains commerçants qui cachent les boissons dans leurs entrepôts pour les vendre ensuite à des prix supérieurs à ceux fixés par l'État. Ils indiquent que par exemple, une bouteille de Primus 72 centilitres se vend à 5000 francs ou plus, alors que le prix officiel de ce produit est de 2500 francs seulement. C'est au moment où, selon les mêmes sources, une bouteille d'Amstel Bright 65 centilitres se vend à un prix variant entre 7 et 8 000, alors que le prix officiel de cette boisson est 5 000 francs seulement. Les consommateurs des produits fabriqués par la Braroudi à Kayanza demandent aux autorités administratives d'intervenir pour faire respecter les prix officiels et prendre des mesures qui s'imposent pour les commerçants spéculateurs qui se montreront récalcitrants. Godefroy Nionizigi, administrateur communal de Kayanza, dit avoir déjà saisi les plaintes des consommateurs des boissons fabriquées par la Braroudi. Cette autorité administrative communale à Kayanza promet prendre des mesures strictes à l'encontre des contrevenants. Il annonce que tout commerçant qui ne respectera pas les prix officiels sera frappé d'amende, retiré de la liste des distributeurs agréés et que son cabaret aussi sera fermé. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Cédric Nibishaka a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis.